هي الفالور البيان ما معناه هو سي با لو فيت دوتيليزي دي غران مو دافوار ان لانجاج سوتينو كوا لا سي peu de mots avec beaucoup de force. C'est pouvoir faire comprendre beaucoup de choses avec peu de mots et c'est le kalam munasib fil waqt al munasib. C'est la parole qui convient au moment adéquat. D'accord? Parfois, il y a besoin de développer. Parfois, il y a besoin d'abréger. Parfois, il y a besoin d'employer tel et tel usloub. Le balir, c'est celui qui emploie l'usloub, munasib, fil waqt munasib. Un exemple que donne Salen Ashab al-Balagha. Un chasseur, dans la savane par exemple, qui chasse la gazelle. Et il guette. وَمَعَوْ صَاحِبُهُ ثُمَّ خَرَجَتْ غَزَالَهُ فَقَالَ صَاحِبُهُ غَزَالَ غَزَالَ بس. Il lui dit une gazelle, une gazelle. Car là, c'est quoi le but? C'est qu'il est repère qu'il la tue, vite. Parce qu'il va dire, il y a une gazelle, elle a deux cornes, elle court vite, elle est brune, elle sort de là-bas, après elle va aller là. Non, gazelle, gazelle, c'est-à-dire tout de suite, hop, il tire. C'est pas le moment de parler. D'accord? Et d'autres fois, il y a besoin de parler. Donc celui qui dit, la gazelle seulement, il a été éloquent à ce moment-là. Il a dit ce qu'il fallait dire, il n'y a pas de ziyada. Par contre, celui qui rajoute, lui, il n'a pas été éloquent. On sait qu'il vient avec les plus beaux mots, on dit, pourquoi j'ai tout ça? Là, c'est pas le moment de parler, là, c'est le moment de tirer. Hein? Et d'autres fois, tu arrives, tu lui expliques une chose, un enfant, c'est quoi une gazelle? Tu lui écris une gazelle. Parce que l'enfant, tu veux dire, la gazelle, après tu pars. Enfin, c'est quoi une gazelle à ce moment-là? Là, faut que tu grives. C'est un animal qui est à Kaza, à Ansafou, Kaza, Yaishu, Meken, Kaza. D'accord? Par exemple. Donc, c'est ça le balagh. Vous allez voir dans le Coran, Ablagh Kalam Kalamullah. Dans le Coran, tu as des versets, tu vas les voir à certains endroits très longs. Et à d'autres endroits, sur le même sujet, tu les vois très courts. لأن المقصود يختلف يعني un moment Allah عز وجل veut مثلا nous faire comprendre une chose particulière et à travers ce même récit cette même histoire il veut nous faire sortir une chose nous faire comprendre une chose autre مثلا l'histoire de Moussa عليه السلام qui se répète beaucoup dans le Coran ce qui se répète le plus dans différentes sourates tu la verras des moments des mêmes passages vont changer des passages ils seront bien détaillés d'autres ils seront moins l'histoire avec Pharaon ou Akaza. طيب. طيب فهذا هو البلاغة سير كلام مناسب في الوقت المناسب بالأسلوب المناسب.